C'est partout, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le football, que ce soit même culturellement, le Burkinabé, c'est un peuple fier, un peuple intègre. Présentez-vous, qui je suis ? Merde ! On se prend pour qui ? C'est bien, bro, continue comme ça, bro, c'est bon. On va pas parler de technique ou tactique, de tactique, là on va les destruire, puis voilà. Bah non, le bouclier, c'est bon le bouclier, mais je veux dire, ce qui est beau, c'est l'aventure humaine, quoi. Après, bon, le bouclier, c'est morceau de plage, il flotte, hein. Dans ce deuxième épisode, au cœur des étalons du Burkina Faso, nous retrouverons le staff d'entraîneurs composé du manager général Cheikh Hamidou Ouédraogo, de l'entraîneur des trois quarts Aristide Barrault, de l'entraîneur des avants Fabien Doré et du préparateur physique de rugby performance Loïc Archer. Dans cette interview réalisée le dimanche 7 juillet, soit juste avant les demi-finales du tournoi de rugby à 7 du Paris World Games, Antoine Yaméogo, grand investigateur de ce projet, et Stéphane Bationo, numéro 9 historique de la sélection burkinabé, répondent également aux diverses questions et nous présente l'état du rugby au Burkina Faso, la patrie des hommes intègres. D'abord, on va commencer avec Cheikh. Tu es le manager de cette équipe, de cette fédération. Est-ce que tu peux nous présenter l'état du rugby burkinabé ? Oui, le rugby burkinabé se porte assez bien. Et avec un championnat régulé par an, dont le rugby à 7 et le rugby à 15. Oui. Actuellement, le rugby burkinabé est vraiment basé sur les écoles de rugby avec le développement des écoles de rugby, la formation des jeunes dès les bas âges. Donc moi, je suis président de l'association rugby à la base. Et le rugby à la base a pour vocation de promouvoir le rugby auprès des tout-petits. D'accord. Donc dans ma ville, à Bobo Dioulasso, en tout cas, j'ai pu en tout cas mettre en place plusieurs écoles de rugby et j'ai fait la formation aussi des encadrés et même au-delà de Bobo, à Béléra par exemple. D'accord. Voilà. Et donc tu as été joueur également pour... Oui, je suis le premier capitaine des Lions de Bobo. D'accord. Et oui, après basculer dans l'encadrement. Et ça fait combien de temps que tu ne joues plus ? Oui, 3 ans. D'accord. Et est-ce qu'en 3 ans, tu as déjà vu une évolution du rugby burkinabé ? Oui, actuellement, avec les jeunes qui arrivent, ils ont vraiment commencé le rugby à bas âge. Donc, d'accord. Il y a un bon niveau, oui. Donc du coup, une formation dès le plus jeune âge a permis aux jeunes rugbyman d'augmenter leur niveau. Effectivement. Et donc là, vous avez eu des bons résultats dernièrement avec les U18, il me semble ? Et oui, avec les U18 en Algérie, oui, effectivement, on a eu un bon résultat. Oui. Oui, c'est un travail de base qui a été fait. Et puis accompagné en tout cas par l'appui aussi et de nos partenaires ici comme Antoine Yaméogo. Oui, qui est venu en tout cas nous soutenir et dans la préparation de ce tournoi. Donc on a fait un stage d'une semaine avant le tournoi d'Alger et vraiment ça a apporté un résultat. Donc c'était un tournoi de rugby à 7 il me semble. Oui, un tournoi de rugby à 7 où il y avait vraiment, un tournoi où le niveau vraiment était élevé. Oui, c'était avec la Coupe d'Afrique des Nations U18. Ah, c'était les Jeux Olympiques, d'accord. La jeunesse. Ah ouais, super. Il y avait l'Afrique du Sud, la Namibie, les pays aussi comme la Côte d'Ivoire. Donc la piste c'est vraiment classé comme 4e. D'accord. Oui. À noter que avant les tournois, le Burkina n'était pas classé. D'accord. Oui. Donc c'est une progression monumentale. En tout cas, c'est vraiment un bon résultat. Oui. Et donc ces jeunes-là, cette génération-là. Donc ils sont nés en 2000. Oui, 2001. Oui. Ils représentent l'avenir du rugby burkinabé. Effectivement, ils sont entourés par les anciens comme Stéphane Bationo, oui. Bonzon, Paré et Antoine aussi. Oui. Et en tout cas, ils ont vraiment une bonne évolution. Et en tout cas, ce sont vraiment des espoirs de tout un peu. Oui. Donc Antoine, Cheikh a évoqué ton nom. Oui. Toi, quel est ton rôle auprès de la fédération du Burkina et qu'est-ce que tu essayes de mettre en place? Déjà moi j'ai commencé par le levier associatif, oui. Donc par l'humanitaire avec l'association Burkina Faso dont Fulgence Ouédraogo est le parrain. Donc ça c'était en 2014. Et puis en rencontrant les cadres de la fédération, ils m'ont proposé, comme j'ai la binationalité, oui. de jouer pour l'équipe nationale. Et donc j'ai accepté évidemment avec grand plaisir. Et du coup, à la base je suis joueur. Mais et je le fais avec plaisir, on me sollicite aussi pour d'autres choses. Après je me mets au service de la fédération, quoi. Donc ça passe par préconiser des choses pour structurer la fédération, améliorer le suivi des joueurs, le coaching, essayer de trouver des fonds pour avoir des jeux de maillots, pour envoyer du matériel sur place. Même j'ai envoyé des PDF d'entraînement que je peux récupérer à droite à gauche. Essayer de, ben, comme là, cette semaine en France, les faire venir, etc. Pour, le but ultime, c'est de faire progresser le rugby au Burkina Faso. D'accord. Et est-ce que tu peux nous expliquer du coup concrètement ce que tu as mis en place pour faire venir les Burkinabés une semaine en France pour participer à ce tournoi des Paris World Games? Eh bien, déjà, je connais très bien le directeur du tournoi. Oui. Et on a commencé à en parler en novembre-décembre dernier, quand eux, ils commençaient à organiser le tournoi. J'ai dit qu'avec grand plaisir, j'essaierai de faire venir une équipe du Burkina. Et donc après, à partir de janvier-février, j'ai commencé vraiment à réfléchir, à essayer de budgétiser, me rendre compte un peu de ce qu'il fallait pour les faire venir. Donc on parle de visa, de billets d'avion, mais après de structures sur place pour l'hébergement, pour la nourriture, avoir aussi un staff compétent parce que moi je travaille aussi ici, donc j'aurais pas pu être là toute la semaine. Donc voilà, essayer de voir dans mon propre réseau d'amis les personnes compétentes et avec lequel je pourrais m'entourer. Donc c'est là que j'ai commencé à en parler avec Aristide Barrault, c'était en février. Après je t'ai contacté toi Fabien, oui. J'en ai parlé aussi à Cheikh quand ça a commencé à se mettre en place. Puis aussi Loïc Archer qui est un bon ami maintenant. Donc voilà, tout ça a pris forme au fur et à mesure. Mais l'organisation africaine, c'est pas ça. Hein. Donc, y a pas mal de rebondissements, mais bon, on arrive toujours à nos fins au final. Quoi. Oui. Et tu projettes déjà un futur tournoi en Europe ou un futur stage avec la sélection ? Ce qu'on sait déjà, c'est qu'en septembre prochain, on a la Coupe d'Afrique des Nations à 7. Donc, ça, c'est annuel. Ce sera au Bénin. Donc, a priori, on va repartir sur le même groupe à peu près. Peut-être quelques renforts revenus de Côte d'Ivoire. Mais sinon, ce sera à peu près le même groupe. Et puis, on a le tournoi qualificatif olympique en Afrique du Sud pour faire les JO. Donc là, on rencontrera les plus grands de notre continent, donc Kenya, Namibie, Ouganda, Zimbabwe, etc. C'est pas encore sûr qu'on y soit, parce que du coup, on remplacerait l'Afrique du Sud, qui est hors quota, comme oui. Ils sont déjà qualifiés avec le World Series. Donc a priori, c'est nous qui les remplacerons numériquement. C'est pas encore fait, parce qu'après, il y a évidemment malheureusement toujours une question d'argent, hein. il faut se rendre sur place, etc. Et la fédération a des moyens assez limités pour le moment. On espère qu'avec ce genre d'initiative comme cette semaine, on pourra de plus en plus voyager. Mais a priori, ce seront les deux prochaines séances. D'accord. Et tu nous as parlé de joueurs ou de Burkinabés qui viennent de Côte d'Ivoire. Donc il y a beaucoup d'immigration vers ce pays-là. Ouais, ça c'est historique. Je pense que les gars en parleront mieux que moi, mais il y a un gros contingent burkinabé en Côte d'Ivoire qui travaillait dans les champs, il me semble, canne à sucre, coton, choses comme ça. Ouais. Donc on a pas mal de compatriotes en fait qui vivent en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, il ne faut pas le dénigrer, hein, mais le niveau du championnat, en tout cas, il y a deux divisions, il me semble, et il est bien meilleur qu'au Burkina. Donc il faut aussi se servir de ces gars-là qui ont un très bon niveau pour renforcer l'équipe nationale, parce qu'on a un petit vivier au Burkina, même si on est en train de le développer par justement l'école de rugby, etc. Mais là concrètement, je trouve que le réservoir pour les seniors est assez limité. Donc il faut pas hésiter à faire venir des Européens, mais aussi des Ivoiriens ou des gens qui sont au Maroc, etc. Très bien. Voilà, pour renforcer l'équipe. Et du coup Stéphane, toi c'est ton cas, tu as vécu jeune en Côte d'Ivoire? Oui, moi je suis né, heureusement je suis né à Abidjan, ouais. Les parents sont allés en aventure à Abidjan, et moi je suis né, je suis grandi, je suis allé à l'école à Abidjan, j'ai appris le rugby très, très jeune, à l'âge de 10 ans à Abidjan, et j'ai grandi en fait le moins de 18 en équipe nationale Côte d'Ivoire, et après le bac je suis venu au Burkina. Et j'ai continué à l'université, j'ai continué aussi, j'ai approché des amis qui étaient via mon grand frère, des amis de mon grand frère qui les connaissaient par le rugby, quand oui. Il est venu jouer une fois en 2007 en équipe nationale. Et par lui, j'ai côtoyé des amis comme Aziz Soulama, Bonzon, le capitaine de l'équipe nationale. Et via eux, je me suis intégré aussi dans la famille du rugby. On a connu pas mal, j'ai connu pas mal de personnes via le rugby. Et du coup, ça m'a permis de pouvoir m'insérer dans la société burkinabé. Chose qui n'est pas forcément évident. Pour quelle raison? Déjà, pas la langue officielle, qui est le morée, que jusqu'à présent je ne comprends pas. Donc il fallait aussi parler mon français ivoirien pour que je puisse aussi. Parce que franchement, c'est pas aussi évident. Parce que ceux qui viennent de la Côte d'Ivoire, qu'on les appelle les diaspos. Oui. Donc c'est pas aussi facile pour ces gars-là. C'est pas péjoratif, mais ces diaspos-là de pouvoir s'intégrer au Burkina. Et moi, via le rugby, je suis intégré facilement. D'accord. Ouais. Et quel a été le... Donc c'était il y a 9 ans 7 ans. 7 ans 2012, ouais. Ok, quel était le niveau du Burkina Faso lorsque tu as rejoint ce pays-là? Franchement, le niveau, il était franchement très embryonnais. Oui. Pour ne pas... pour être réaliste, le niveau était très embryonnais. Et de 2012 jusqu'à maintenant, franchement, on est passé du niveau 0, bon, oui. du niveau 1 à 5-6 sur 10. Oui. Ouais, ça, il faut être de façon objective, je le dis. Le rugby burkinabé a connu un boom en moins de 7 ans, depuis que je suis au Burkina. Ouais. D'accord. Toi, tu joues dans quel club? Je joue avec le Faso Rugby Club, dénommé FARC. Et qui est basé dans quelle ville? Dans la ville de Ouagadougou. Ouais. D'accord. Il y a combien de clubs dans votre championnat? On a 12 clubs. Oui. Dont pratiquement deux tiers viennent de Ouaga. Ok. Ouais. Donc Ouagadougou, c'est une ville de combien d'habitants? En gros 3 millions d'habitants. Ouais. D'accord. Et vous arrivez à fournir 8 équipes? Ouais. D'accord. Et après, quels sont les 4 autres clubs? Les 4 autres clubs viennent de la région de l'Ouest, dont un tiers. Les 4 autres clubs, 3 clubs qui viennent de Bobo Dioulasso et l'autre club vient de Birgadougou. D'accord. Très bien. Et donc toi, tu joues au numéro 9 et tu as eu l'opportunité de venir jouer en France. Tu peux nous raconter cette expérience? Oh, ça s'est fait en 2016 via un expatrié qui est très amoureux du rugby, burkinabé. Oui. qui s'est investi aussi depuis fort longtemps à l'honneur de Serge Guillemotonia, qui est basque d'origine et qui vit en Afrique depuis plus de 30 ans, qui s'est marié avec une femme burkinabé qui a voyagé, qui est allé au Cameroun, qui a fait venir Robbins Tchalewachu en France. D'accord. Quand il était au Cameroun. Et après, il est rentré au Burkina en tant que directeur technique de la... Bon, je ne suis pas fait de pub d'une grande société de boissons au Burkina. Et très amoureux, très passionné de rugby, on s'est connu via le sélectionneur national Laurence Travato. Et du coup, lui, il m'a dit, mais tiens, tu as un bon niveau, pourquoi ne pas essayer de te faire venir ici en France pour... Pourquoi pas un stage? Donc, il est passé par un de ses amis qui était président de Laurent Sainte-Marie à l'époque. Du coup, ça n'a pas pu se faire parce que c'est le président qui devait m'héberger. Il avait eu des soucis avec sa compagne. D'accord. Pas évident de pouvoir héberger un Africain chelou avec une femme blanche. Donc, du coup, ça n'a pas pu se faire. On s'est retourné via Serré. Et là, c'est un autre expatrié qui est très très amoureux du Burkina Faso. Il s'est même fait appeler le Bobolais parce qu'il aime très bien la ville de Bobo. D'accord. Et lui, on s'est présenté à une fois à Ouaga. Il a dit qu'il allait tout faire, il allait tout mettre en place pour que lui puisse m'accueillir chez lui parce que lui, il se prend comme un Burkinabé. Il a la nationalité depuis. Il a même le passeport Burkinabé depuis plus de 20 ans. Donc, du coup, lui, il m'a fait venir chez lui à Elne et il m'a mis en contact avec le club de Serré qui était à l'époque en Fédéral 2. Et il a tout mis en place et il m'emmenait à l'entraînement, il m'a déposé ainsi de suite. Et là, j'ai intégré le club de Serré en février 2016. J'ai joué 2 matchs de championnat à l'époque avec Serré. Dans le premier match, j'ai fait une belle prestation et du coup, le public Serré était tout à l'honneur. Du coup, ils ont essayé de me côtoyer pour comprendre un peu d'où est-ce que je venais, toute mon histoire. J'ai rencontré, je suis toujours en contact avec eux. Malheureusement, pour une histoire de visa, j'ai dû rentrer au pays. Et jusqu'à là, j'ai fait un autre entretien, on m'a refusé le visa. Et du coup, je suis resté au Burkina. Et là, quand Antoine m'a parlé du projet de Paris World Game, au début, j'étais un peu dubitatif parce qu'il faut le dire, c'est pas évident d'avoir les visas pour venir ici en France. Et du coup, avec l'aide de tout le monde, avec son appui, avec l'appui aussi du ministère, on a pu obtenir les visas. Et nous sommes là aujourd'hui. J'espère qu'on va faire une très bonne prestation et retourner les bras remplis de trophées. Oui. Voilà, pour que le retour soit triomphal au pays. Donc du coup, pour un Burkinabé, pour venir en France jouer au rugby, quelles sont les conditions que vous devez remplir? Il y a plusieurs types de visas. Ouais, il y a différents types de visas. Même pour venir jouer au rugby ici, il faut avoir le visa sportif. Et c'est pas évident d'avoir le visa sportif parce que il faut tant aussi bien des documents administratifs ici en France qu'au Burkina. En France, ça peut se faire, mais au Burkina, pour obtenir les documents, c'est pas aussi simple. Administrativement, le pays est franchement très très dur. Oui. Et quand il y a un petit détail, du coup, ils peuvent ne même pas te donner le passeport parce qu'ils se disent que ils veulent tellement garder les enfants au pays que franchement, ça devient compliqué de s'exiler quand tu es burkinabé. Ouais. D'accord. Et ton visa sportif, il peut aller de 3 à 12 mois. Comment ça se passe? Ah ouais, le visa, il peut aller. Il faut un contrat de travail en France, j'imagine. Exactement, voilà. Oui. Pour que l'ambassade, pour que le consulat de France puisse t'octroyer un visa sportif, il demande au minimum un contrat de travail. Oui. Comme ça, ils sont sûrs qu'une fois que tu es sur le territoire français, au moins tu as un boulot, tu peux au moins arriver à survivre. Oui. Sans contrat de travail, c'est quasi impossible que tu obtiennes un visa sportif pour venir ici. D'accord. Et toi, Aristide, du coup, on a entraîné ensemble cette sélection durant cette semaine. Quel a été ton constat sur le niveau des joueurs burkinabés au début? Et en une semaine, sur quels aspects ils ont évolué selon toi? Bah, j'ai trouvé que c'était des joueurs d'une grande qualité, surtout avec cette qualité, cette capacité de progresser vite. Moi, je me suis rendu compte à des moments dans ma carrière que le tri au niveau du haut niveau entre ceux qui réussissent, ceux qui continuent la route et ceux qui n'y arrivent pas, c'est cette capacité à assimiler les choses vite et de les mettre en place. Dans le haut niveau, au niveau professionnel, on n'a pas le temps de prendre le temps pour les joueurs, tout simplement. Il faut que tout se fasse vite, tout soit vite assimilé et mis en place. Et c'est le cas des joueurs burkinabés. C'est impressionnant cette capacité d'absorber les conseils, les consignes, les situations et de les mettre en place. C'est une très grande qualité. Ensuite, j'ai bien observé le travail technique. Donc je pense qu'il y a un gros travail de fond fait au Burkina, et notamment là avec les joueurs de Bobo, des Lions de Bobo avec Cheikh, un travail technique. Ils ont des très bonnes attitudes, notamment dans les duels. C'est des joueurs extrêmement forts dans les duels, que ce soit en attaque ou en défense. Ils sont durs au mal dans la pratique du rugby, et durs en défense, durs en attaque. Les manques qui sont évidents, évidemment dus au repère collectif, au repère aussi sur le terrain, de prise d'espace entre eux. C'est toujours le cas dans des championnats qui sont assez fermés, assez petits, où les joueurs ont l'habitude de jouer souvent les uns contre les autres. Et surtout, tu sais qu'au Burkina, il n'y a pas beaucoup de terrain, ils s'entraînent sur des surfaces souvent assez petites, donc il y a un déficit du côté de la prise d'espace. Le mouvement est vertueux, extrêmement vertueux. On le voit en une semaine, ce qu'ils réussissent à faire. J'ai l'impression que tout ce mouvement burkinabé est vertueux et tend vers la progression, tend vers l'expansion. Donc c'est très impressionnant de voir, de donner un coup de main à cette équipe à un moment si important de sa création, de son histoire, de son évolution, et de voir comme les choses vont vite. Et du coup, tu pourrais nous dire un peu plus concrètement le travail que tu as mis en place durant cette semaine? Cette semaine, j'avais plein d'idées en tête avant de rencontrer les joueurs, avant de rencontrer Cheikh, et j'ai dû adapter. J'avais plein d'idées d'exercices, de choses à voir, etc. Et en fait, simplement, j'ai juste voulu m'adapter à eux, à leur qualité. Regarder, tenter de voir quels étaient les moyens d'amélioration rapides et faciles. Alors au lieu d'aller chercher des choses alambiquées, de mettre des concepts compliqués, des choses très techniques, on a plutôt essayé d'approfondir les bases et de les laisser évoluer, de les laisser prendre leur marque, tout simplement, de comprendre les choses, de comprendre ce qu'on voulait mettre en place. On est sur des choses très simples mais bien faites. Moi, je suis persuadé que de toute façon, même au plus haut niveau, une équipe qui maîtrise les bases et qui les fait bien, c'est une équipe performante. On a essayé surtout de les consolider et de leur donner confiance dans leur qualité de joueur de rugby. C'est toujours compliqué d'arriver dans un pays comme la France, qui est un des grands pays du rugby, de jouer un championnat, d'un tournoi international. Là, on a eu des oppositions contre France U et contre l'équipe de Massy, qui est une équipe professionnelle de Pro D2. Et il y a toujours cet déficit de confiance et un peu de non-légitimité. Moi, c'est surtout de leur donner la possibilité de réaliser à quel point ce sont des bons joueurs et qu'ils ne doivent souffrir d'aucune comparaison. Je crois qu'avec Loïc et avec toi, on a réussi à les considérer comme des très bons joueurs de rugby. Et si on avait dû s'occuper de l'équipe de France moins de 18 ans, on n'aurait pas mis moins d'exigences et moins d'applications. Et je crois que c'est surtout ça. Ils sont de grands joueurs de rugby. Ils ont besoin de l'éprouver sur le terrain contre d'autres joueurs, contre d'autres sélections, contre qui ils n'ont pas l'habitude de jouer, et surtout de le comprendre à l'intérieur d'eux-mêmes. Et avec cette capacité d'assimilation qu'ils ont et cette envie surtout. C'est des gars qui vivent pour le rugby, qui dorment pour le rugby, ils sont passionnés de ça. Et ils respirent le rugby, c'est très impressionnant. Je crois que le mouvement va continuer à être vertueux et le cycle qui est en train de s'installer avec le travail de qualité que chaque fait, avec l'énergie d'Antoine, de tous les joueurs et surtout cette capacité de fédérer les énergies, que ce soit là-bas ou ici, je suis persuadé qu'il y a un grand avenir pour le rugby burkinabé. Et t'as appris des choses sur toi-même durant cette semaine ? Oui, beaucoup, beaucoup, énormément. Je crois que j'ai plus appris de choses sur moi-même que j'ai réussi à en apprendre aux gars. Donc c'est surtout dans cette capacité d'adapter un discours, en fait. Adapter un discours, même si le rugby est notre dénominateur commun, notre monde commun, et qu'on vit tous avec cette passion, on vient de mondes qui sont quand même différents et de discours différents, même si on parle la même langue que le français. J'ai toujours essayé d'adapter mon discours pour qu'il soit compris le mieux possible et pas que ce soit eux qui s'adaptent à mon discours. C'est toujours compliqué. Ensuite, j'ai découvert une autre façon de pratiquer le rugby qui me plaît beaucoup, qui a enrichi un peu ma vision du rugby. Ça m'a donné aussi envie de continuer. Je m'étais dit que je voulais attendre beaucoup, beaucoup de temps avant de tourner la page du rugby sur le terrain et de commencer le rugby comme entraîneur. Et en fait, ça m'a donné l'envie, toute cette énergie, ces sourires, ces regards, ces poignées de main, toutes ces interactions sur le terrain ou entre nous, la rencontre avec Cheikh, sa façon de voir les choses, sa façon d'être si paternelle avec les garçons, la fraternité dans l'équipe, la bienveillance des anciens sur les nouveaux. Et puis cette dérision qu'ils ont tout le temps, cette volonté de rigoler, de vivre les choses avec passion et avec intensité, ça m'a beaucoup apporté. Après là, cette semaine, c'est une tornade de humaine et logistique aussi. Je suis un peu, on arrive en fin de semaine, je suis cramé. Je vais prendre le temps de récupérer et d'avoir un recul nécessaire pour mettre des mots sur ça. Pour l'instant, c'est juste des émotions fortes. Et moi, ce que je veux de toute façon, c'est gagner ce tournoi. Gagner ce tournoi et mettre sur le palmarès de ce tournoi international Fédération Burkinabé Rugby, parce que ce sera encore une belle étape dans ce mouvement important. Maintenant, on va passer avec toi, Loïc. Donc, Loïc, tu es le préparateur physique de cette sélection durant ce stage. Tu as également développé une page Instagram qui marche très bien, Rugby Performance. C'est comme ça que Antoine t'avait contacté, il me semble. Toi, quels ont été les. Quel a été ton constat aussi en termes de physique ? Quel est le profil des Burkinabés ? Ok, comme je m'y attendais, quand je suis arrivé lundi, j'ai découvert des joueurs qui étaient déjà forts, rapides, puissants et très endurants. Donc du coup, moi j'ai fait le choix de travailler sur d'autres axes. Et donc le premier axe, c'était la concentration, pour arriver à rester concentré malgré la fatigue, malgré tout ce qui peut se passer autour. Donc j'ai travaillé énormément là-dessus et sur l'agilité et la vision périphérique. Donc avec pas mal de jeux de balles dès les échauffements, pas mal de jeux de balles, de travail d'appui pour toujours rester dans cette concentration, cette agilité et garder toujours la tête levée, voir ce qui se passe en face. Parce qu'après j'ai remarqué qu'ils avaient beaucoup de vitesse, mais le problème qu'il y a, c'est qu'ils étaient toujours à 100% au niveau de la vitesse. Donc du coup, même au niveau des changements de direction, ils arrivaient toujours à 100% et le changement de direction se faisait au même rythme. Donc j'ai essayé de travailler sur le fait de mettre de la fréquence, changer de rythme pour se donner le temps de faire un choix et pouvoir surprendre l'adversaire. Donc je pense que ça a été un travail assez important sur toute cette semaine et qui a bien progressé, qui mérite encore d'être travaillé, mais... Donc ça serait l'axe de progression premier pour les Burkinabés. Je pense que ça prend un axe très très important, que ce soit au niveau de la défense, c'est-à-dire au moment de la montée rapide, ensuite fréquencée pour pouvoir mettre ensuite l'impact, ou avec ballon en main, pareil. Une fois qu'on est face à face, pouvoir faire un choix avec de la fréquence et un changement d'appui. Très bien, donc tu avais les gars, on s'entraînait matin, une fois le matin, une fois l'après-midi, tu les prenais à chaque fois à l'échauffement. Donc toujours des jeux de balle, toujours des jeux de dextérité, des jeux de vision, voilà, des jeux de communication. Là-dessus, tu as senti une évolution durant les 5 jours ? Oui, au début, comme toute chose nouvelle et comme tout petit jeu, ça amenait beaucoup à rire, à s'amuser, beaucoup de balles qui tombaient. Et on a vu qu'au fil de la semaine, moi j'étais un petit peu plus exigeant aussi, les exercices étaient un petit peu plus difficiles, les joueurs s'y sont pris un petit peu au jeu aussi. Et maintenant, on l'a même au niveau de nos échauffements de match. Et là, on demande une concentration extrême, il n'y a plus de balles qui tombent quasiment. Donc il y a vraiment eu une grosse évolution là-dessus. Et est-ce que tu peux nous faire justement, tu nous parles de l'échauffement, nous faire un point sur le type d'échauffement que tu as mis en place, ouais, nous expliquer pourquoi on l'a séquencé de telle manière, de cette D'accord. manière-là. Donc en fait, notre échauffement, il démarre donc justement avec un jeu de balle. Il y en a pour 2 minutes, où c'est que les joueurs se déplacent dans un espace défini, chacun avec une balle. On commence combien de temps avant le match, excuse-moi ? On commence 25 minutes avant le match. Voilà, parce que le tournoi de Seven a des spécificités qu'on joue toutes les 3 ou 4 heures. Voilà. Donc du coup, on fait ce jeu de balle, donc un espace de 10 mètres sur 10 mètres. Chaque joueur a une balle et ils doivent se croiser en trottinant, s'appeler donc pour forcer à communiquer et se préparer à communiquer sur le terrain et s'échanger la balle sans qu'elle tombe. Donc avec quelques consignes qui vont évoluer petit à petit sur ces 2 minutes-là. Donc ça, c'est pour vraiment se mettre en route au niveau de la concentration et de l'agilité. Ensuite, une fois ces 2 minutes de jeu de balle passées, on passe sur un travail d'activation musculaire avec des exercices de fente, de pas chassé ou de petits squats qui sont ensuite suivis par des gammes athlétiques comme on a l'habitude de voir avec des talons-fesses, montées de genoux ou autre. Ensuite, on finit sur les épaules, échauffement des épaules, cervicales et un petit peu d'étirement balistique. Ensuite, je l'ai laissé... Attends, alors pour quel intérêt, quel est l'intérêt de cet échauffement-là jusqu'à... Donc l'intérêt, en fait, c'est des échauffements avec des distances très courtes, peu de répétitions, car mon but est d'activer les fibres musculaires et non de les fatiguer. Donc le but, c'est vraiment, on fait juste 5-6 répétitions par exercice, vraiment pour éveiller ces fibres-là, qu'elles soient prêtes à être réactives sur le terrain, sans les fatiguer, en fait. Très bien. Voilà. Et okay, éviter du coup, limiter les risques de blessure aussi sur une accélération. Donc c'est pour ça qu'on va activer les ischio-jambiers sur un soulevé de terre roumain ou sur des fentes par exemple. D'accord. Donc ensuite, il passe sur... Du coup, ensuite on échauffe les épaules, toujours pareil. Là, objectif, activer tous les muscles périarticulaires de l'épaule pour pouvoir réagir à tout ce qui peut se passer au niveau d'un plaquage. Éviter du coup les entorses acromio-claviculaires ou de l'épaule. Et pareil au niveau des cervicales, on finit même sur un travail de réactivité à mon commandement. Chacun doit forcer avec sa main contre la tête en fonction des directions que j'ai demandées pour qu'il soit prêt à réagir et pas juste rester en isométrie pendant 5 secondes, ce qu'on retrouve très rarement dans le rugby. Très bien. Ensuite, il passe avec moi, c'est ça ? Ensuite, voilà, je te les laisse pour préparer les contacts. Donc moi, je les prends de 2 à 4 minutes et on fait des attitudes de contact. Parce que moi, mon analyse a été qu'ils étaient perfectibles dans ce domaine-là. Quand ils passent au sol, ils libèrent le ballon immédiatement. Ou quand ils sont pris haut, quand ils sont coffrés, je trouvais qu'ils ne luttaient pas efficacement. Donc, durant la semaine, ils ont eu des ateliers de sensibilisation sur ces sujets-là. Et moi, avant les matchs, je reproduis les mêmes exercices qu'on a eu dans la semaine. Comme ça, on les connaît, c'est de la répétition. Et un peu la même chose que toi, ça les éveille un peu physiquement. Voilà, on rentre un peu dans le contact et aussi ça les éveille mentalement sur l'importance de libérer bien le ballon et d'être toujours un joueur actif au sol et dans le contact. Après ça, ils boivent un coup, voilà, et ils retournent. Et ensuite, je les récupère pour un dernier petit exercice. C'est qu'on va avoir un petit travail d'appui et de fréquence, toujours pour être dans cette coordination malgré la vitesse, et un petit travail de sprint pour les préparer à réaliser leur premier sprint sur le terrain et toujours éviter ces risques de blessure. Très bien. Voilà, et ensuite c'est Aristide qui les récupère pour. Donc là on a 5-6 minutes du coup d'envoi. Voilà. Aristide, quel est le travail que tu fais avec les gars à ce moment-là ? Alors, à ce moment-là, on fait deux exercices de passe, un sur petit périmètre, un sur grand périmètre, où on accélère la vitesse du ballon et progressivement la vitesse des jambes aussi. Ils sont très habiles, balle en main, ils sont capables de jouer après contact, ils sont capables de jouer dans la défense, c'est assez impressionnant, ils ont des mains très habiles. Simplement, dans cette recherche de simplifier et de poser des bases fortes sur les choses basiques, on a travaillé sur le placement des mains avant ballon et surtout on a décortiqué un petit peu la passe pour essayer de finir le mouvement. C'est une chose qu'ils avaient du mal à faire au départ. Et de finir le mouvement de la passe qui est extrêmement important. Et le regard, les courses, c'est de redresser les courses. C'est des choses très très simples en fait, mais qui sont la base. Et je pense qu'une des grandes qualités aussi de ces joueurs, c'est la capacité de tenir l'effort, beaucoup plus que les autres. Là, on se rend compte sur le tournoi aussi qu'il y a un moment où à 3-4 minutes du début du match, les adversaires n'arrivent pas à tenir l'intensité qu'on met. Et c'est à ce moment-là où on fait complètement exploser physiquement et les adversaires lâchent des ballons. Et nous, ça termine toujours par un essai. On est extrêmement fort dans les turnovers. Et on a des joueurs de rupture qui sont capables de faire exploser les ballons et de les exploiter derrière avec la vitesse qu'on a. Simplement, dans ces exercices, je cherche aussi à améliorer la concentration et la régularité. Ces joueurs qui sont capables de coups d'éclat, mais aussi qui ont du mal à être réguliers techniquement. Toi Stéphane, en tant que joueur, qu'est-ce que tu penses de cet échauffement ? T'es assez satisfait ? Ouais, assez satisfait. Comme il a dit, l'échauffement ne vise pas à nous fatiguer avant le match, plutôt à réveiller le muscle. Et franchement, là, Loïc, il est super ingénieux là-dessus. Et du coup, quand on rentre durant la première mi-temps, on met toute l'intensité qu'on a reçue, qu'on a préparée avant de monter sur le match. Et du coup, on impose notre rythme. Et après, les équipes adverses en face, ils subissent quoi. Et du coup, on explose le compteur au score. Bon, il pense que franchement, comme Antoine l'a si bien dit, depuis novembre 2018 où il a essayé de tout mettre en place, on voit que vraiment il a beaucoup travaillé. Il a essayé de s'entourer d'une équipe, d'un staff assez compétent. Du coup, il connaissait déjà nos qualités. Il savait ce dont on avait besoin pour essayer de nous améliorer encore plus. Et du coup, il pense qu'il a trouvé les personnes idoines pour pouvoir nous amener, nous booster, encore aller au-delà de nos limites quoi. Voilà, encore une fois de plus, félicitations à lui et à toute son équipe. Et Loïc, t'as pris quoi sur... Pardon, je t'en prie. Oui, il y a une dernière chose qu'on n'a pas évoquée au niveau de la préparation physique, qu'on a dû tout le staff gérer, c'est la gestion du contenu et de la fatigue des joueurs. Je pense que là-dessus, on a dû tous travailler en coordination pour arriver à avoir assez de contenu d'entraînement sans que les joueurs arrivent trop fatigués dès samedi sur le tournoi. Et je pense que là-dessus, ça a été pas trop mal géré car on voit que hier, il y a eu trois grosses victoires et les joueurs ne semblaient pas trop fatigués et plutôt agiles et frais. Oui, cette interview est réalisée avant les demi-finales du tournoi. Je ferai d'autres petites capture micro à la fin du tournoi où on espère être vainqueur. Toi Loïc, t'as pris quoi sur toi cette semaine ? Mais ça m'a permis de découvrir aussi des nouvelles façons de jouer au rugby et d'appréhender le rugby. Donc après je suis arrivé avec mes bases à moi que j'ai dû réadapter en fonction des joueurs que j'avais en face. Donc c'est très enrichissant pour la suite et je pense que donc du coup j'aime pareil, je pense avoir autant évolué que eux ont pu évoluer rugbystiquement et du coup ça donne envie de s'investir encore plus. Ok, Antoine, toi cette semaine passée entre travail, tes entraînements, ta logistique, alors qu'est-ce que tu retiens de cette semaine et qu'est-ce que tu as appris sur toi-même? Mais que c'est déjà pas facile de tout gérer en même temps. Hein. Quand je rentrais chez moi, j'étais lessivé, mais toujours mentalement au top parce que je prends énormément de plaisir à revoir tous mes frères, comme je les appelle, vraiment depuis ma première cape. C'est que des moments de vie extraordinaires, humainement très riches. Et au-delà de notre passion commune qui est le rugby, c'est ce que je recherche moi en tant qu'homme, m'élever, aider mon prochain, aider mes compatriotes par ce biais-là du rugby qui est notre passion et tout. Ils ont moins de moyens que nous, mais ils ont autant, voire plus de cœur. Et donc c'est ça que j'essaye de mettre en avant à chaque fois que je parle de mon pays et du rugby là-bas. Comme Stéphane l'a dit, effectivement, j'ai cherché dans mon réseau des personnes déjà qui ont les compétences. Donc j'ai regardé un peu ce que Loïc a fait. Au fur et à mesure, on a appris qu'on avait des amis en commun. Et donc là, je me suis dit que bon, c'était la bonne personne. Toi, je connais très bien ton frère, il est déjà venu, donc je savais à quel type de personne avait. Et en février dernier, quand j'ai fait un point avec Harry aussi, je savais que c'était ce qu'il nous fallait aussi. Donc, et puis chacun à votre manière, dans vos attributions, vous avez été pour l'instant et de toute façon pour tout le tournoi parfait. Moi là-dessus, je suis enchanté. Et sur toi-même, t'as appris quoi ? À être patient, parce qu'il y a d'autres trucs administratifs aussi en coulisses qu'il faut gérer. Et ça, c'est pas facile. Mais sinon, voilà, je reste à ma place, j'essaye d'apporter ce que je peux. Mais quand c'est pas mon domaine, j'essaye de m'effacer, même si c'est pas facile. Parce que j'aimerais tout faire, tout gérer. Mais tu perds trop de jus. Donc je sais très bien que j'ai eu un staff comme ça compétent avec vous. Vous m'avez déchargé de tout ce qui est entraînement. Là, ce week-end, j'ai pu me concentrer sur mon rôle de joueur. C'était largement suffisant. Sheik aussi, on est en chambre ensemble, donc ils me disent ce qu'ils pensent être le mieux, comme ça je peux m'adapter, faire passer les messages, les relayer, etc. Donc non, là-dessus on a été, je pense, assez bien. Ouais. Et le mot de la fin pour Sheik. Sheik, tu as appris quoi cette semaine au contact? Vraiment, sincèrement, j'ai passé une grosse semaine et j'ai beaucoup appris. Et en tant que formateur des encadrés, je pense que vraiment il fallait venir. Et quand je venais, c'est la compétition qui était dans ma tête. Mais les rugby en Afrique, surtout dans notre région, c'est ce qui nous manque. L'organisation, les détails, et c'est très important. Et c'est de la manière dont on prépare les rencontres, c'est vraiment impressionnant. Les exercices qu'on fait avant le match, c'est vraiment impressionnant. Donc vraiment, dès que nous allons rentrer, on va vraiment s'atteler, vraiment changer les choses à ce niveau. Et avant qu'on vienne, on sent vraiment qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites avant notre venue. Donc je voudrais vraiment profiter de l'occasion, dire merci à vous tous et à vos familles et à tous les soutiens qui ont été faits. On joue vraiment à domicile. Et vous savez qu'avec ces derniers temps, les résultats que le Burkina a eu, nous sommes membres associés de World Rugby. Et notre objectif, c'est vraiment d'être membre affilié permanent. Donc, surtout avec les résultats à venir, nous pensons vraiment aboutir à cela. À cet objectif. Oui. Est-ce que tu peux, pour terminer, est-ce que tu peux nous expliquer, donc les joueurs avant le match ils ont un cri de guerre, est-ce que tu peux nous expliquer la phrase qu'ils expliquent, la phrase qu'ils disent et le sens que ça a pour vous Burkinabé? Oui, et la patrie ou la mort nous vaincront. Oui. C'est la révolution de Thomas Sankara, c'est son slogan et ça nous va parce que le Burkinabé est reconnu partout dans le monde par son courage et son intégrité. Donc à chaque événement, ce slogan nous fait vraiment, ça nous ramène vraiment dans notre cher pays. Ça nous fortifie. Ouais. Et à quelle occasion Thomas Sankara a eu ce slogan-là? Comment tu peux nous expliquer un peu historiquement? Ok, vous savez que Thomas Sankara, d'abord, au départ, c'est vraiment un patriote anti-colonial, donc il est vraiment intègre, donc tout ce qui concerne notre pays, et c'est vraiment tout donné. Donc en lisant ce slogan, C'est ce qui nous ramène vraiment à donner les meilleurs de nous-mêmes. Au plus profond de vous, ouais, et de votre identité. Oui. On dirait tout pas même de la genèse de la chose quand il est monté au pouvoir. Déjà, à changer le nom du pays, c'est-à-dire là, le Burkina qui se faisait à l'époque la Haute Volta, le mec qui vient au pouvoir, il s'est dit non, il faut prendre un nom typiquement à nous, parce qu'il s'est dit la Haute Volta, c'est le nom du colon, c'est pas notre identité culturelle, c'est pas propre à nous. Et du coup, le Burkina Faso qui vient de deux régions du pays, notamment le Burkimbila qui veut dire homme intègre de la région du centre, voire un peu du centre-ouest en Morée, et le Faso qui vient de la région de l'ouest, où ce sont ces deux peuples-là qui sont les plus dominants et qui forment le mot Burkina Faso qui veut dire le pays des hommes intègres. Donc du coup, dès l'instant où il instaure ça, il réussit à mettre ce nom-là en place. Je pense que franchement, on ne pouvait que le suivre et le suivre dans sa démarche. Malheureusement, il n'est plus, mais quand même, il a laissé cet esprit-là aussi fort ancré au Burkinabé. Et partout où nous sommes, nous voulons démontrer que nous sommes des Burkimbila, nous sommes un peuple fier, un peuple courageux. Et partout, on veut pas montrer le mauvais côté du Burkinabé. Et c'est ce côté-là, ce bon côté-là qu'on veut le démontrer. Et du coup, on se voit en nous sur le terrain de rugby. Mais le Burkinabé, même c'est ça, le Burkinabé, c'est pas seulement le rugby. C'est partout, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le football, que ce soit même culturellement. Le Burkinabé, c'est un peuple fier, un peuple intègre. Voilà, c'est ça, Thomas Sankara. Je parle de lui, j'ai la chair de poule. Tellement ce mec, il est. Je l'ai pas connu. Mais franchement, de parce que j'ai vu les vidéos, ses écrits. Franchement, j'aurais aimé être de son époque et apprendre encore plus de lui. Ouais, quel homme. Eh bien, sur ces belles paroles, on va terminer là. Merci beaucoup, les gars. Merci. Merci. Et voilà, le second volet de notre trilogie sur la semaine à Paris des étalons burkinabés est terminé. On espère qu'il vous aura permis de saisir plus en profondeur la structuration naissante de cette fédération et on vous encourage à partager cet épisode auprès de tous vos amis passionnés de rugby. Vendredi prochain, vous retrouverez un épisode totalement immersif lors de la demi-finale et de la finale jouée par les étalons. Le micro de Joue au rugby Mino s'est faufilé dans la vie du groupe burkinabé et nous y avons enregistré de sacrés moments. Et nous avons d'ores et déjà hâte de vous faire vivre toutes ces préparation, tous ces discours d'avant-match et tous ces matchs de l'intérieur. C'était Léa, merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.